Oui, bonjour, moi je m'appelle Johan, je suis aide-soignant à Pierre-Janet sur le Havre. Donc je suis un perché aussi. Et voilà, nous on a combattu pour les mêmes raisons qu'ici. On est aussi victime de la répression de la direction, puisque nous on a été accusé de séquestration et convoqué par la police au commissariat du Havre. Et on attend toujours le résultat de cette histoire en fait. Donc voilà, c'est la direction, c'est la seule manière, la seule défense qu'ils ont, c'est de porter plainte. Et en fait, on voit bien le système dans lequel on est, c'est-à-dire que ceux qui sont là-haut ne sont pas dans le soin. Et ils ne savent pas ce que c'est que le soin. Nous, on est dans le soin, on est définis comme des experts, et la parole qu'on a, elle compte pour rien, quoi. Donc moi, j'invite tout le monde à continuer le combat, qu'on soit fiers de notre travail, d'être infirmier, d'être soignant, médecin. Et je ne pense pas que la direction ait son mot à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. La direction, elle n'est pas dans le soin. Je pense que, comme disait le collègue, c'est des signes qui ne trompent pas. Et puis, ce qui ne trompe pas non plus, c'est de dépenser l'argent de la sécurité sociale en huissier, quoi. Est-ce que c'est pour l'amélioration des soins? Eh bien, non. Donc, on voit un peu que leur attention n'est pas portée sur les soins et sur ce qui se passe dans les services où on accueille des personnes qui demandent à être soignées. Ce qui leur importe, c'est l'image du service public qu'eux-mêmes entachent et qui dépensent des sommes astronomiques pour essayer de faire taire nos collègues et puis de faire en sorte que les choses tournent de façon bancale comme on leur demande de le faire, quoi.